السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Donc bienvenue à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu deux paraboles qui se trouvent dans Sourate Ibrahim. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux autres paraboles, mais cette fois-ci qui se trouve dans Sourate An-Nahl, donc dans Sourate les abeilles. Donc concernant la première parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 91 et 92: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى il dit dans la traduction rapprochée de ces deux versets: respectez fidèlement vos engagements envers Allah, après les avoir contractés, et ne violez pas vos serments, après les avoir solennellement prêtés, et avoir pris Allah comme garant de votre sincérité. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne soyez pas comme celles qui défaisaient brin par brin la laine, après l'avoir solidement filé, en faisant de vos serments un moyen de vous tromper les uns les autres, sous prétexte que tel groupe est plus puissant que l'autre. Allah ne fait ainsi que vous éprouver, et au jour de la résurrection, il vous exposera clairement vos sujets de divergence. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de respecter fidèlement nos engagements. Et cet ordre est général. Il englobe tous les engagements qu'a pris le serviteur, que ce soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'un serment, ou tel qu'un vœu pieux. Et aussi, ça englobe aussi vis-à-vis d'une créature, tel qu'un engagement ou une allégeance prêtée à un gouverneur, etc. Et le respect de l'engagement est certes une caractéristique du croyant. Et la preuve de cela réside dans le verset 177 de Sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il mentionne certaines caractéristiques des croyants. Et parmi ces caractéristiques, il dit respecter son engagement et patienter dans la misère, la maladie, et lorsque les combats font rage, ceux qui se comportent ainsi sont en toute vérité, véridiques et pieux. Et la trahison de l'engagement est une caractéristique des hypocrites. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans le verset 75 à 77 de Surat At-Tawbah, donc Surat le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, il en est parmi eux qui ont pris un engagement envers Allah en disant « S'il nous accorde sa grâce, nous dépenserons en aumône et nous serons du nombre des pieux. » Mais lorsqu'il leur accorda sa grâce, ils s'en montrèrent avares et firent volte-face en se détournant. Donc après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de trahir nos engagements après les avoir confirmés en jurant. Donc il dit selon la traduction « rapprochez » et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah subhanahu wa ta'ala comme garant de votre sincérité. Ensuite, Allah il nous met en garde contre la trahison de l'engagement, car celui qui trahit son engagement est comparable à celle qui défaisait brin par brin la laine après l'avoir solidement filé. Allah, il dit, selon la traduction, ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin la laine après l'avoir solidement filé. Et les savants concernant cette partie du verset, ils ont divergé. Certains parmi eux ont dit qu'il concerne une femme qui vivait à la Mecque et qui était stupide. Cette femme en question, donc filait la laine. Donc après s'être fatiguée à filer cette laine, une fois qu'elle avait fini, elle défaisait cette laine brin par brin. Et certains parmi les savants sont d'avis que ceci est un exemple connu chez les Arabes, qui désigne celui qui ne respecte pas ses engagements. Et la question qu'on peut se poser ici est quel est le lien entre la personne qui file la laine puis la défait et le fait de trahir son engagement. Donc la réponse à cela et que dans ces deux actions, ou plutôt, et que ces deux actions montrent la stupidité de son auteur. Donc les deux actions, que ce soit le fait de donc filer la laine, puis ensuite la défaire, et aussi le fait de trahir son engagement. Pourquoi ? Car celui qui file donc la laine, Il se fatigue pour arriver à son but. Car comme cela est connu, ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, lorsqu'il a fini, il se fatigue une nouvelle fois pour tout défaire. Alors que s'il n'aurait ni filé la laine, il ne l'aurait ni défait, il aurait certes profité de son temps et il aurait évité beaucoup de fatigue. Et donc cette action indique sa stupidité, donc la stupidité de la personne. Tout comme celui qui ne respecte pas son engagement. Ceci indique sa stupidité. Car ceux qui sont doués de raison respectent leurs engagements. Et aussi, car celui qui prend un engagement, puis au final, après un certain temps, trahit son engagement, il aura certes perdu du temps et se sera fatigué. Et s'il ne se serait pas engagé, il aurait certes gagné du temps et se serait évité une fatigue. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé celui qui trahit son engagement à celui qui file la laine et ensuite qu'il la défait après avoir fini. Et l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di, concernant celui qui trahit son engagement, dit, je cite, « C'est un injuste, ignorant, stupide, déficient dans la religion et les bonnes manières. » Fin de citation. Mais bien sûr, ici, le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il parle de celui qui trahit son engagement alors qu'il a la capacité de le tenir. Ensuite, Allah dit par la suite, en faisant de vos serments, selon le sens, en faisant de vos serments un moyen de vous tromper les uns les autres, sous prétexte que tel groupe est plus puissant que l'autre. Donc ceci, car à l'époque, certains parmi les Arabes, comme l'a mentionné le grand savant du tafsir Mujahid Kalalagré, ils prêtaient serment, puis lorsqu'ils trouvaient un groupe plus nombreux et plus puissant, ils trahissaient leur pacte avec les premiers et prêtaient serment à ceux qui étaient plus puissants et plus nombreux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cette chose. Et ceci est une ruse évidente. Et ceci est une ruse évidente. Car la cause pour laquelle ils n'ont pas violé leur pacte, c'est leur faiblesse. Et non pas parce qu'ils ont immensifié leur serment. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, Allah ne fait ainsi que vous éprouver, et au jour de la résurrection, il vous exposera clairement vos sujets de divergence, c'est-à-dire qu'il rétribuera tout le monde selon ses œuvres, et il humiliera ceux qui ont rusé. Donc ceci, c'est concernant la première parabole. Donc ensuite, un peu plus loin dans la deuxième parabole, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, « Ne faites pas de vos serments un moyen de vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes. Vous goûterez le malheur pour avoir écarté les hommes du sentier d'Allah et vous subirez un châtiment terrible. » Donc verset 94, sourate Les Abeilles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction, ne faites pas de vos serments un moyen de vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront. C'est-à-dire, ne prenez pas serment conformément à vos passions, en les respectant quand vous voulez. Car si tel est le cas, vos pas glisseront après avoir été fermes sur la voie droite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, vous goûterez la peur après avoir écarté les hommes du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt, vous goûterez le malheur pour avoir écarté les hommes du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci car le mécréant, lorsqu'il voit que le musulman, lorsqu'il voit que le musulman lui a fait un serment, puis le trahit, il ne lui reste plus de confiance en la religion. Et à cause de cela, il ne se convertit pas à l'islam. Donc ça, c'est ce que Ibn Kathir il a mentionné concernant cet endroit du verset. Ensuite, Allah il dit, selon la traduction, et vous subirez un châtiment terrible, c'est-à-dire à cause de la trahison de vos engagements. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande le secours. Donc après avoir fini l'explication de ces deux paraboles, nous allons passer à ces enseignements. Donc le premier enseignement qu'on tire de ces paraboles, c'est l'obligation de respecter ses engagements. Et comme nous l'avons cité précédemment, ceci est général. Et ici, il est bon d'évoquer un point qui est très important. Car cette obligation concerne uniquement les choses qui sont légiférées. Par contre, en ce qui concerne les choses interdites, il est strictement interdit de respecter son engagement. Par exemple, imaginons que Zayd s'engage auprès de Mohammed à l'emmener dans un endroit qui est interdit. Ici, va-t-on dire qu'il est obligatoire pour lui de respecter son engagement ? La réponse est non. Et c'est exactement pareil pour ce qu'on appelle le serment pieux. Et le serment pieux, comme vous le savez, il consiste à s'imposer une chose à faire ou une adoration qui n'est pas obligatoire. Donc si la personne, elle fait un serment pieux, il lui est obligatoire de le respecter, à condition qu'il ne consiste pas à faire une chose interdite. Par exemple, Abdullah il dit, je fais le serment pieux de jeûner 6 jours, d'accord, consécutifs pour Allah. Donc après avoir mentionné cette parole, après avoir prononcé cette parole, il est obligatoire pour Abdullah de jeûner 6 jours. Par contre, s'il aurait fait le serment pieux de désobéir à Allah, il lui aurait été interdit de l'accomplir. Car la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le serment pieux d'obéir à Allah, qu'il lui obéit. Et celui qui a fait le serment pieux de lui désobéir, qui ne lui désobéit pas. Et le hadith, il est rapporté donc par l'imam al-Bukhari. Le deuxième enseignement qu'on tire de ces paraboles, c'est la dangerosité de ne pas respecter ses engagements. Et cela est d'autant plus grave lorsque la personne use de la ruse, comme nous l'avons vu précédemment. Le troisième enseignement qu'on peut tirer de ces deux paraboles, c'est l'un des méfaits de la mauvaise action et du mauvais comportement. En effet, il y a dans la mauvaise action et le mauvais comportement de nombreux méfaits. Parmi eux, ceci peut être une cause pour détourner les gens de l'islam. Et ceci est certain fléau. Le mauvais comportement de certains musulmans sont une cause que certains mécréants se détournent de l'islam et ne font pas confiance en cette religion. Donc il est impératif pour le musulman de parfaire son comportement. Car le bon comportement a une grande influence sur les gens. Et subhanallah, il est triste de constater que certains de nos frères et de nos sœurs, qui des fois vont porter la sunna, on va trouver des mauvais comportements. À tel point que les gens, ils vont fuir la religion. C'est-à-dire que ces comportements-là, ils vont faire fuir les gens de la religion. Malgré que la religion, elle n'a rien à voir avec ce genre d'agissement. Tu vas trouver par exemple des fois de la dureté, là où il n'est pas nécessaire d'être dur. Et d'autres fois, tu vas trouver du laxisme lorsqu'il fallait être ferme, il fallait de la fermeté. Et ceci n'est pas la méthodologie des gens de la sunna, car leur méthodologie, c'est le juste milieu dans toute chose. Que ce soit par exemple, comme les savants ils ont expliqué, dans les noms et attributs d'Allah, ou bien dans la foi, dans leur croyance envers les compagnons, et dans tous les domaines. Et lorsqu'on regarde et on analyse le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été mentionné dans les ahadiths, on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un excellent comportement. Jusqu'à ce que Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, disait à propos du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était conforme au Coran. Et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: je n'ai jamais vu avant lui ni après lui quelqu'un comme lui. Donc il est impératif que le musulman parfait son comportement, qu'il parfait son comportement avec les gens, qu'il améliore aussi par exemple les choses qu'on peut entendre des fois, qu'il améliore sa manière de parler. Car le musulman n'est pas vulgaire et ne dit pas de grossièreté, mais plutôt le musulman parle bien et ne dit pas de vulgarité et n'est pas vulgaire lorsqu'il parle. Donc ça, c'est les enseignements qu'on peut tirer de ces deux paraboles. Il y en a plus, mais à chaque cours, on essaye de mentionner deux, trois enseignements pour pas que ça soit trop lourd. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable et de nous faciliter à parfaire notre comportement.